Dès que je veux faire une vidéo, tout change. Le micro change par défaut, s'enregistre pas par la bonne place. La caméra coupe tout seul, je ne sais pas pourquoi. Un paquet d'affaires. Dès que je veux faire une vidéo, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a une technologie de cave. On a une technologie de cave qui pense penser ce qu'on pense penser penser avant qu'on le pense. Ça pense à notre place. Ça décide à notre place. Toutes les gugus de réajustement par défaut, j'ai beau reprogrammer des affaires, ça se déprogramme, ça se remet comme c'était. C'est une technologie d'Elon Musk. Cette race-là de débiles. De style débile qu'on essaye de nous faire passer pour des génies. Si j'y crois pas, hein, j'y crois pas 2 secondes. Voyons donc. L'avez-vous vu, Elon Musk, aller? Quelle élégance! Quelle élégance! Même moi qui essaie dur de trouver plus patibulaire que ça, je pense que j'ai plus de grâce que ça. Dans le fond, c'est n'importe quoi. Elon Musk, là, c'est Archibald. C'est Archibald. C'est un personnage de fiction qu'on essaie de nous vendre tant qu'à moi. C'est n'importe quoi. C'est quoi? Ils ont créé génétiquement une nouvelle race qui pense la race de l'homme nouveau, la race supérieure, puis on nous impose ces débiles-là. Ils veulent la marche planétaire, orchestrée par notre Archibald. C'est mon fils. Il voyage dans la stratosphère. Avec sa fusée, il parcourt l'univers. La Lune et Vénus, Uranus et Neptune. Toutes les galaxies éloignées de la Terre. Tant de merveilles, je veux marcher vers les étoiles, programmer les ordinateurs. Puis leur style de technologie, de culture de science-fiction de marde, c'est comme au niveau de la spiritualité. Quand est-ce que je suis plus capable? Vous pensez vraiment que l'être humain, c'est une machine qui obéit à des stimuli? Il y a pas de libre arbitre. Ça veut dire, bon, OK, ben d'abord, je veux dire, faudrait réhabiliter Guy Cloutier. C'est pas de sa faute, c'est des programmes. C'est pas de sa faute, c'est des programmes. C'est ça que vous dites. Coudon, vous l'avez évacué en pas à peu près, hein, la morale, la fait tout ce qui était la, comme prenez les scolastiques du 13e siècle, puis tout ça, c'est tout de la mort. De toute façon, qui se souvient de ça? L'autre jour, je m'en vais à papeterie. À papeterie, pourquoi? Pour acheter une crise de souris, une maudite souris. Je m'excuse si je chaque, mais ça me met tellement en colère. La petite souris de mon ordinateur, elle marche pas. Elle fonctionne mal, elle fait des free games, elle s'en va par là, elle clique aussi. Parce que c'est de la technologie de merde. Mettez-en une souris intégrée, je veux dire, il y a moyen de faire mieux que ça, je peux pas croire. J'ai pas acheté ce qu'il y avait le plus haut de gamme, mais quand même, quand même. Quand on s'achète un briquet, au moins qu'il allume. Au moins qu'il allume. Je suis obligé d'acheter une autre souris. Je viens tellement en colère, là, je suis à la papeterie, puis là, je regarde les livres qu'il y a là. C'est toutes des affaires ésotériques. Toutes. Toutes. Le monde, ils ont pas la base. Ils ont pas. Enfin, pensez-vous que le monde, même du monde qui ont fait leur cours classique, Chris, ils ont pas de discernement pour ces affaires-là. Là, je m'excuse, là, c'est sûr que l'ambiance sera pas forte. L'ambiance sera pas forte. Je suis tellement en colère que j'ai pas de temps matin. J'ai pas de temps. C'est ça l'affaire. Hier, David Leveille qui me contacte pour un entretien le matin. Ben oui, mais c'est le jeudi matin, là. Tu sais, je le blâme pas, il n'y a pas tort. Des fois, je peux être des mois que, ouais, je pourrais, mais ça marche pas. Puis super après, puis finalement, il a testé un bot conversationnel. Le pic de la popularité de Bernard de Montréal par rapport à, même, c'est même pas le pic de la popularité, je dirais, le top de la qualité au niveau du mouvement social était atteint il y a déjà quelques années. Puis là, on entre dans la décadence, puis ça va se salir, puis ça va devenir de la culture populaire. Puis c'était déjà de la merde avant de devenir de la culture populaire. C'est désolé, mais c'est ça. Moi, je le vois de même. C'est comme les affaires. Je me rappelle quand la mère de mon père est morte, à travers le paquet de livres qui m'avait été remis, parce que c'est une façon pour la famille de que je réouvre pas le testament, là, il m'avait donné quelques bébelles. Le pire, c'est que je voulais pas faire de chicane. Aujourd'hui, je vois ça très différemment. Ça serait l'enfer. Je suis plus le même. Hein. Je suis plus le même. Pourquoi je parlais de ça? Dans l'eau, il y avait un livre de Castaneda. L'aventure intégrale, je pense. Puis là, je lis ça. J'ai peut-être, je sais pas, moi, 21, 22 ans. Je lis ça, puis tout son... Je connais un peu le personnage par rapport à les aspects, par rapport à l'anthropologie qui est devenue à la mode. Puis... Donc, je lis ça, puis là, il parle de son initiation avec Tonopan. Puis là, il est dans un état second, ses perceptions s'ouvrent. Puis là, il voit des gros êtres lourds, noirs, les planeurs, puis... C'est toute de la marde. C'est toute de la bullshit. Parce que j'ai passé des années après à faire des recherches pour essayer de confirmer ce que des affaires Castaneda a dit. Puis c'est là que je découvre des affaires de secte, des affaires de fraude, des affaires de... En veux-tu, en voilà, là. En veux-tu, en voilà. C'est de la merde. C'est de la merde. Ce néo-chamanisme-là a été créé pour, entre autres, pour que des petits villages en Amérique centrale fassent du tourisme puis des affaires de même. Puis aussi réhabiliter certaines affaires que, dans le fond, c'est pas réel. C'est pas réel. Il y a bien des affaires par rapport à la culture chamanique centrale qu'on nous compte que c'est des inventions récentes. C'est des inventions récentes. Il n'y a rien à faire avec ça. Dans le fond, je me dis, c'est un peu comme il y en avait un. Comment il s'appelait, donc? Il passait des vidéos de moi des fois, puis à un moment donné, je me suis tanné, parce que lui, c'est toujours « Bonjour, chère divinité. » C'est toutes des divinités. Hein? Je suis tout seul à me considérer comme pour pas grand-chose. Parce que, c'est fini. Je vais finir par avoir l'orgueil de mon humilité, puis je me dis, ils sont-tu tous fous? Êtes-vous fous? C'est pas parce que vous vous déclarez une divinité que vous en êtes une. Au contraire. Quelqu'un qui fait ça, là, il se descend, là, il se ramasse plus bas que... C'est de la folie. C'est ça que c'est. J'avais dit, vous, je vous écouterai plus. Vous, je vous écouterai plus. Puis c'est pareil pour le... Ben, je veux dire, il vit pas sur la même planète, le gars. Soit c'est un acteur, soit c'est... Donc, qu'est-ce que vous voulez que... J'ai pas le temps. C'est comme pour des affaires par rapport... C'est pas moi qui va réhabiliter toute la philosophie morale des derniers siècles pour me démontrer qu'il y a des affaires là-dedans, que c'était valable, puis c'était réel. J'ai pas le temps. Fait que, il y a des affaires... Vous voulez dormir sur une autre planète, ben de bord, on aura pas de contact, c'est tout. Fait que vous commenterez, vous vous choquerez contre moi, puis tout, mais il y aura pas d'échange, il y aura pas de dialogue, j'ai pas le temps. Je veux dire, on parle même pas le même langage. Au niveau des mots, il y a la philologie. Je veux dire, il y a un paquet d'affaires qui font qu'en ce moment, j'ai pas la patience. Je l'ai pas. Puis, je regarde tout ça, je veux dire, mon ordinateur, j'ai pas le choix d'en avoir un. J'ai pas le choix. C'est comme Internet, j'ai pas le choix d'avoir ça. J'ai pas le choix. Mais, si c'était juste de moi, j'aurais rien de tout ça. Chris, je vivrais comme en 1890, dans le fond d'un rang, si j'avais les moyens, je veux dire, de vivre, bien vivre. Bien vivre. Mais bien vivre aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible, il y a du monde qui ont fait de la, c'est un enfer, on vit dans un enfer, moi pour moi c'est un enfer, mais il reste que, je pense que c'est un enfer pour tout le monde, c'est juste une question de lucidité, de s'en rendre compte ou pas, puis de l'adapter, puis de, c'est comme là, j'ai pensé d'avant, j'ai mis le chat dehors, ça va m'éviter d'être encore plus en colère que je le suis, mais il reste que, il y a un paquet de choses qui font que, je m'excuse, mais ça marche pas, le monde sur YouTube, tout ce que je trouve, même les sujets qui m'intéressent, je trouve rien que de la désinformation puis des menteries. L'autre fois, un jeune, il disait, pourquoi les gens aiment Louis XI, ils buvaient du sang, c'est écrit ça dans la vidéo, là, ils buvaient du sang, comme une affirmation. Après, t'écoutes la vidéo, puis là, il admet que c'est pas vrai. Ben oui, mais oui, c'est de la propagande. C'est les Bourguignons qui les Anglais qui ont inventé ces histoires-là. Pensez-vous de quelqu'un de pieux comme Louis XI qui faisait tous les pèlerinages imaginables, puis qui allait même pas faire un tas dans le coin sans amener une médaille, quasiment, que ce gars-là buvait du sang de bébé. Puis, dès qu'on parle d'affaires de même, oh, c'est des histoires de complotistes, c'est des histoires de... Il n'y a jamais eu d'élite qui faisait ça, puis tout. La Montespan se faisait égorger des bébés sur le ventre. Ça, c'est une réalité historique. C'est historique. L'abbé Guibault puis la voisin, c'est historique, tout ça. C'est des faits. N'importe quel historien qui contesterait ça passerait pour un fou. Même si... Les procès-verbaux de la Chambre ardente puis les rapports de Nicolas de Larigny, oui, aujourd'hui, il y a des choses, c'est introuvable, mais il reste que c'est des faits pareils. Louis XIV n'avait pas le choix de faire disparaître des affaires, c'est la mère de ces bâtards qui a voulu légitimer, puis il avait pas le choix. Ben, qu'il a brûlé des affaires, il a caché des affaires, qu'est-ce que vous voulez? Mais il reste qu'il l'a pas nié, il a fait faire des procès, puis elle était en disgrâce, puis il l'a fait... C'est quoi l'affaire de voir systématiquement les gens, dès qu'ils sont à un certain niveau, sont diaboliques, nécessairement? C'est comme les mensonges colportés sur Etty Green. Encore aujourd'hui, comment cette femme-là, elle est salie parce que c'était une femme. Là, voilà la réalité, la vérité. Puis qui a salisse le plus? Des femmes. Des femmes. L'autre jour, Etty Green, je la connais pour avoir lu sur elle, mais à un moment donné, je tombe sur une vidéo sur YouTube, puis je vais voir comment ça se fait qu'il y en a qui se sont intéressés à elle. Puis je tombe sur une Française qui nous dit des choses, des conneries. Elle dit « Ah, ben, Tiguin, c'est une Quaker, ça, c'est une secte catholique. Depuis quand les Quakers sont catholiques? Vous le voyez bien que c'est des protestants qui s'habillent en noir, puis les Quakers, ça n'a rien de des catholiques, c'est une forme de puritanisme. » Je veux dire, les Français, c'est comme à cause de la République, puis de la laïcisme, puis tout ça, c'est comme si même les réalités historiques, des petits détails simples, ça n'existe plus. Vous n'êtes plus capable d'aucun discernement par rapport à tout ce qui est même l'historicité de l'histoire des religions, tellement ça a été évacué, puis que vous ne voyez rien que des sectes partout. Parce qu'après, à parler de ça, à dire, c'est les Quakers, ça a parlé des Quakers, ça sent la secte. Ben oui! C'est sûr, la France, tout sent la secte en France, sauf les francs-maçons, sauf les Rose-Croix, sauf l'Église gnostique de France, sauf les groupes de ci pis de ça, la grande fraternité blanche de la flacataire de foutre, la ci pis le ça, wow! C'est pas des sectes, ça, la secte, c'est pas une secte, la 5e République, moi je dis que c'est une secte. Moi je dis que la 5e République maçonnique, laïcarde, c'est une secte. Puis je pourrais le démontrer par l'argument que c'est une secte, avec ses fanatiques. Regardez la Révolution, est-ce que c'est pas des ajustements de fanatiques? C'est pas une secte, c'est pas des sectes. C'est toutes des sectes, sauf les francs-maçons, sauf les Rose-Croix, sauf les... Wow! Ça va faire. C'est comme les martinistes, puis... Dom Martinez de Pasquali et compagnie, puis toutes ces affaires-là, puis ils font de la théurgie, puis de « Wow, ça sent pas à secte, ça. Ton pays, c'est une secte, allume, comme le mien. Comme le mien. Mais venez pas me faire chier que les Quakers, les Shakers, puis tout, c'est plus des sectes que vous autres. C'est toutes des sectes, tant qu'à moi. Toutes des sectes. Etty Green, là, c'est incroyable, les méchancetés, les faussetés qui sont dites sur elle. Je veux dire, c'est comme l'histoire... En tout cas, il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait revenir, puis je peux vous le démontrer que c'est pas vrai. C'est comme les mensonges encore qui sont colportés par rapport à Louis XI. Oui, c'est vrai que dans le temps de Michelet, puis tout pour des raisons politiques, ils en ont mis pas mal. Ils ont mis le personnage, soit ils le mettent pire qu'il l'est, soit ils le mettent mieux qu'il l'est. Mais dans les faits, c'est toujours un entre-deux, la réalité. Mais là, c'est rendu, il buvait du sang de bébé. Quand j'ai vu ce jeune-là dire ça, j'en revenais pas. Les youtubeurs français me choquent, surtout les plus jeunes. L'autre, là, la française que je vous parle, qui dit « Ah, Etty Green, c'est une Quaker, ça sent la secte. » Elle est rendue sur TikTok, puis il y a des journalistes qui sonnent la sonnette d'alarme parce qu'elle est considérée comme un gourou de secte, cette tarte-là. Puis son public, en moyenne, c'est des petites filles de 10 ans. Des petites filles de 10 ans. Qui font tout ce qu'elle dit, qui font tout ce qu'elle demande. Mon public est un petit peu moins en danger, il a en moyenne 65 ans, puis beaucoup de vécu. Mais il reste que... On n'a pas le temps pour ça, j'ai pas la patience pour ça, j'ai pas envie de... C'est pas à moi de faire ça. C'est pas à moi de faire... C'est comme, on dit, ah, ben c'est une affaire de choix, puis comme les Québécois, ben on a choisi... L'autre fois, Anne-France Goldwater était à la télévision, puis même j'ai essayé de retrouver l'extrait Radio-Canada, ils l'ont jamais publié sur Internet. J'ai jamais réussi à le retrouver. Mais dans une entrevue, elle dit « C'est pas pour rien que la totalité de la société québécoise a décidé de rejeter totalement le catholicisme. La totalité de la société québécoise, ça c'est démentri. C'est démentri, ça en est ça, une façon pathologique de mentir. On dirait que c'est automatique, ça leur est naturel. » Anne-France Goldwater, vous êtes une menteuse d'avoir dit ça, puis c'est une honte. Pour qui vous prenez-vous? Je vais vous le dire, pour qui vous vous prenez? Vous vous prenez pour un être supérieur qui éduque une population acculturée, appauvrie, d'idiots. C'est comme ça que vous vous considérez, Madame Goldwater. Moi, je le voyais bien à l'arbitre à quel point on vous soumet des cas sociaux, puis là, vous êtes, ah, moi, j'éduque la population. J'éduque la population québécoise. Faites bien attention de ne pas vous faire éduquer aussi. Parce qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle des réactions. Puis il y a des gens qu'on appelle des réactionnaires. Je ne me considère pas comme un réactionnaire, mais ça ne veut pas dire que je ne réagirai pas. Parce qu'il y a des affaires que ça fait des années que je regarde ça, puis ce serait une honte de rien dire, ce serait un crime de rien dire. À un moment donné, il faut être en accord avec soi-même. Les autres, c'est secondaire jusqu'à un certain